lure de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. Hent Arbrezonek, c'est le moment de la petite leçon de breton avec Henri Le Naou. Bonjour Henri. Oui, bonjour Morgane. Madame Traugenor. Madame Traugenor, n'est-ce que te glem? Kentel, Pemkan, Rouer. 506. Bon. Alors aujourd'hui, j'avais pensé parler d'un mot qu'on emploie presque toujours au pluriel. Vacances ou. Vacances ou. Et ce qui m'y a fait penser, c'est que il y a 80 ans, donc, on avait accordé les congés payés aux ouvriers, enfin, aux employés, quoi, aux salariés. La semaine. Deux semaines. C'était deux semaines directes? Deux dès le départ, oui. Et donc, c'était le gouvernement de Léon Blum. Et alors, moi, j'ai pas vécu ça. C'était une mesure sans doute très populaire. On en voit moins des populaires comme ça maintenant. Oui, c'était, oui, oui. J'ai pas vécu ça puisque je suis né 10 ans plus tard, mais j'ai tellement entendu parler de ça pendant ma jeunesse que j'ai l'impression d'avoir vécu cette époque-là. Hein, les gens qui partaient par le train avec les tickets congés payés, les billets congés payés avec réduction, 30% en troisième classe, hein, les sièges en bois là. Moi, j'ai connu les sièges en bois hein, en troisième classe. C'est vrai, ça existait encore, ça? Oui, ça existait encore quand je venais en vacances chez mes grands-parents ici de Paris. Voilà. Et donc les vacances. Hein. C'était un... Alors, en breton, il n'y avait pas de mot pour dire ça. Et on a emprunté le mot français. On a bretonisé. Vacances, mais c'était... utilisé bien avant dans le sens de vacances au singulier qui veut dire l'absence de quelque chose. Alors, donc on parle des vacances, hein. Vacances ou Nedelec, les vacances de Noël, vacances ou Pâques. Il faut plus dire ça, il paraît, il faut dire les vacances d'hiver, les vacances de printemps, parce que ça a été déchristianisé, les noms des vacances aussi. Mais on continue quand même à appeler ça comme ça, vacances ou Nedelec, vacances ou Pâques. Vacances au Han, vacances au Guan. Oui, parce que, au départ, c'était que des vacances d'été. On parlait pas de vacances d'hiver, bien entendu. Ça, c'est venu après, quoi. Voilà. Alors, donc, les fameux congés payés. Alors, le mot existe en breton. Il y a l'adjectif vac, hein, qui veut dire libre, hein, vide, hein. Amser vac, hein. Ah, oui. Ouais, ça, c'était un adjectif qualificatif qui était emprunté à l'ancien français vague, qui voulait dire vacant, hein, du latin vacuus, hein, qui a donné aussi la vacuité, la vacation. Hein. Montaigne disait « la plupart de nos vacations sont farcesques oh. ». C'est-à-dire « la plupart de nos occupations ne servent pas à grand-chose ». C'était un philosophe, Montaigne. Ah oui. Voilà. La plupart de nos vacations sont farcesques. Alors, vacances, donc, au singulier, a été emprunté au moyen français, hein, au XVIe siècle, hein, et on le trouve en breton, hein, vacances. Alors, il y a pas mal de mots qui sont autour de ça. Vacances, un vacancier, hein, le verbe vacancine, hein, aller en vacances, partir en vacances. Et bien sûr, alors, vacances où... Autrefois, il n'y avait pas de vacances, mais dans la société rurale, il y avait beaucoup de jours de fêtes, en fait. Ouais, des jours fériés. Des jours fériés, voilà. Hein, des fêtes et les jours de marché aussi. Hein. Ah oui. Il y avait des gens qui allaient très souvent au marché. Quoi. Il y avait des marchés nombreux ici, donc voilà. Et des fêtes liées au métier aussi. Voilà. Alors, il y a un autre, le mot congé. Alors, justement... En français, on dit congé payé. En breton, le mot congé a pris un sens particulier. C'est l'armée. Oui, c'est ça. Oui. C'est une autre forme de vacances. Oui, c'est faire son armée, quoi. Oui, oui, oui. Edidori congé, hein, c'est partir faire son service militaire. Grenesi congé et Balland Biwe. Voilà, Edidori congé. Alors, le mot congédié, hein, qui est dérivé de congé, en breton, on dit « reignisartan ». Ah oui. Régnisartan, c'est lui donner son sac. Et alors, ça vient du fait que quand quelqu'un était employé dans une ferme, comme ouvrier agricole, si on le mettait dehors, on lui rendait son sac, puis il venait avec son sac et ses affaires, quoi, son baluchon, quoi. Donc, Régnisartan, on lui rend son sac, quoi. Et c'est resté, hein, le sens initial est un peu perdu, mais Régnisartan, ça veut dire donner congé, quoi. Voilà. Alors, il y a un mot dérivé de ça aussi, c'est le domaine congéable, hein, donc qu'on appelle convenant en breton, c'est-à-dire basé sur le congé au fermier, mais qui était quand même propriétaire des bâtiments. Hein, donc, il faut lui payer ses bâtiments au moment où on lui donne congé, ce qui fait qu'on lui donne rarement congé. Ouais. Et donc, ça a donné tous ces convenants qu'on trouve autour de Saint-Nicodème. Oui, c'est vraiment spécifique, ouais. À Saint-Nicodème-Locarn, oui, j'ai l'impression. Vers Lannion aussi, il y a là, ouais, aussi des... Hein, Agonelle, moi, Béroise, deux heures en Vélanchou, on y voit qu'Emera, on y a Vilo, Nandouille. Voilà. Alors, on disait aussi, on y voit Botolerbine, Melohose, Galanchou. Une chanson sur les différentes conquêtes d'un jeune homme apparemment très séduisant. Voilà. Eh ben, on va rester sur les convenances. On passe à la seconde partie, Brézonnec tant m'attend. Brézonnec tant m'attend, mon père Razantolep, comme d'habitude, Henri. Oui, on va voir, Chornik est allé voir Job Nedelec, qui organise une petite fête à Zantolep qui s'appelle Troer Barus. Salut Job, Clévin Meus Vogret Prestik, Troer Barus, Bazantolep. Ja, Chornik en Drase, zo Zavet, Gant Blenio Zantolep, a Gant Tud Bugal, Erskol. A Petra Vogret, Neu. De diantor valeaden tro dro de zantolek, de der a waler kreiste, war o lehanter. Lehanter? Ja, war gilomen, ma peswan. Valeaden se, vo gasso en dud war guino gen war vro, aba milin kermakal, vo ro dor bonar eviter in ezeret. Waler valeaden, vo gwelet, ilis zantolek, hag iwan en du, a person, ez is pleg o pep trant en dud, waler ze, vo evet o bonar. Roas. Ja, met evajou skan, trao he balkol, evajou vresk. Ne vo ke gist? Hage, gist ur bar, ouz me stra vo evel just. A waler, halon dud, dibe yon tam war blasen, bouet de zevro et vel juste. A goudézé, vo zonadeg banilis, gant kanerien a zonerien, de zevro. A mave bra an amzor vo grel on tamp feznon zo ar a blasen. Ma, tre jom. Chans vat d'or, gant an amzor. Ya, ken a vo na an chanik. Et on reprend, phrase à phrase, ce dialogue entre Job et Chanik. Chanik, elle est un peu ironique des fois avec Job. Des fois, oui. Donc Chanik, c'est la fille de la radio. Oui. Salut Job. Clévet meus vongret prestik, trois barous, mazant tolok. Voilà, j'ai entendu, bonjour Job, j'ai entendu qu'il y aura bientôt le tour de la commune, hein, à Zantolok, trois barous. Ils ont pris l'idée de Bulat, peut-être, non? Non, mais c'était, ils faisaient trois heures chapelle, là, et ils ont continué. Il y a un chanik. Andrasé vos grètes gant bleu news en tolek, à gant tut bugale à school. Oui, cette chose-là sera montée, par l'association bleu news en tolek, hein, qu'on connaît bien, et par les parents d'élèves de l'école. À Petra vos grètes, non? À Petra vos grètes, c'est, hein, qu'est-ce qu'on fera donc, hein? D'un gentan, arval et aden trodro zantolek. Voilà, pour commencer, donc une promenade, hein, autour de Santolg. De derer war l'air crêché. Oui. War l'inter. À 3h de l'après-midi, sur une lieue et demie. L'inter, demande oui. Chanik. Ouais, elle s'étonne, hein, de l'emploi de cette mesure. Une lieue et demie. Ya, 4 kilomètres, ma carite. Oui, 6 kilomètres, si vous voulez. Alors, normalement, il n'y a pas de mutation après 6, après Rouer. Mais ici, à Pemrit et à Zantolk et à Trémargat, on dit Rouer kilomètre. Je me demandais aussi. Non, je rigole. Alors, Valais à Denzé, à Gasson Dut, ou Arguen au Genou, Arbarous. Oui, alors, cette promenade, hein, emmènera les gens sur les sentiers, hein, Gwen au Genou, Arbarous, de la commune. Ah bah, Miline Kermakal, et vos rouen or bandar, et vite terrir zéret. Et au moulin de Kermakal, on donnera un petit coup aux gens, un coup à boire, pour casser la soif. War l'air or valaden, et vos gouelettes ilis en tolok. Oui, alors après la promenade, on visitera l'église de Zantolok. Iwan andu, ar personne nazis plego peptra d'andut. Oui, donc c'est Iwan andu, hein, le recteur qui expliquera tout aux gens. Voir l'air et vos évêques d'arbor. Et ensuite, on boira un verre. Croise. Encore, des chandiques. Mais Eva joue quand? Oui, mais des boissons légères. Ep, alcool. Sans alcool. Et ben, joue quand à fresque. Et fraîche également. Hein. Légère et fraîche. N'est-ce que giste? Il n'y aura pas de cidre. À Géo. Giste à bar ou se veut juste? Oui, mais le cidre, c'est pas de l'alcool. Hein. C'est le cidre de la paroisse. Oui, c'est le cidre de la commune, quoi. Fait sur la commune. Avoir l'air, à Halandut, Debrin, Warren, Dachen, Bouette, de Zervro, veut juste. Voilà, et ensuite, les gens pourront manger sur place de la nourriture du pays, bien sûr. À Goudézé, voir Zona, Adek, Banilis, Gand, Kanerien, Azonerien, de Zervro. Et ensuite, il y aura un concert dans l'église avec des chanteurs et des sonneurs du pays. À ma vie, bras en amzer, et vos gré d'un temps festnos, war ar blasen. Bon, et s'il fait beau, on fera un petit festnos sur la place. Ma très job. Chance va d'or, gant en amzer. Oui, bonne chance avec le temps. On sait jamais. Hein. Ben non, on sait jamais. Même à Zantolok. Même à Zantolok. On passe à la troisième partie, dans un tout petit instant. Petra zone vervron. Thank you. petra zo nevez ar vro ere. Ma kal se dro evel just boer vez di ouzan. Krogomp de diantan evel kiz a kustum gant o labour douar hag vue war ar mez. Tramen a de bremañ an eve amzan hag a reomp bannan. Aliz a vei plije de ur ger ar gwat evit komp de skreiz breiz da la rade bro ar c'hoat gwejel goz oa evel just kal se gwadou ba vro am. Met bremañ neus ket tie metin, peudur neus ket me perzek dregant deus dou ar breiz hag eus o golo eut gant kwadou. Pez eus o neuptor vid lerel bro vrañs. E breiz eus o ar dro eis kant mil devezar a kwad, bon hag bremañ ve klaske de ledan adon tamm hag zikour an dud de rad blant o kwad, peudur eus o bet troc'h kalz o kwad, met evel just o ezom de rad lak ar oas. Ur c'hoad evel just o ur bint vidigez evit ur vro. Setu perek ve klask de zo ged o rak tres evit zikour un dut de lant o kwad, me kwad ou braz war mo a dro c'hoer de vezar ad borpe de neuptan. Rak tres eus o hanglet breiz fore boa. Hag war a bempla o ton ne vo laket o deg milion euro yo gant stad, gant ur c'hant vro, gant bro Europa, gant departement chou, evit zikourze. Evit hag c'hant bro breiz eus o in kark deus henchou en trou. Setu vo gretze prestik. War dachen lez, bremañ, ve komp ze kalz, peut dire, na ke gwell ar en trou, boe zo bet kudenou, mam eus pris, ne chom reizel vipeo, hargou. Setu vo red kad on disklum beneken, med veke gwell et gwell ger, pe sa hini oas. War dachen un ekonomi eus oas. D'un dri et zul deus ur mis, deus ur mis even, boe bla hant ur kant ve lidet gwell en tadou. Hag goudoret gant piou e bedi jil en drase? Ben gant on den a oa ba pen ur stal flaminer. Karme oa ir haun, hag hez ne jonget ob ur gwellen tadou evit gwerzan brikei eo. Hag oa belans gant flaminer, ba bla hantor kan, gwellen tadou. A daoula oa l'air oa bed lakaze oa ar mod officiel, oa belans ed gwellen, ba bla daoua hantor kan, gwellen tadou. Setu boe veget gwellen tadou. Bon, brikei eo matrezen vek gwerze tiemet, pu dur neus ket tiemet dud o vutunat, med bon chomede ar gwellen tadou. Gwell ar ed gwell ar mam oa vije gred abretor, pu dur oa be grouet ba bla o nan a daugen. No bla rog. Gant petain? Gant petain, ya. Ba e petain, bo pet. Ya. Ya, peve komze deus ekonomi eus oas, on dra ave gwerz matre war ar bed, ji oas, e un armou. A nevesoz o bed ba Satori, salons un armou, se Satori zo tos de Versailles, ave gred enan salons un armou. Hag az ave gwell tout pesone war an dachens, pe sa mod la hotud an o mod e fedus. Hag de se neus ke be klev komz kalz, on tamm penad oa me strab an ouest e kler, met vek e komz o kalz de se. Hag bon, gwell ar vek an de media yo komz deus un euro foot, vi komz deus salons un arme ou ba Satori, bet a gout te fe en dud de brederian reol war traudis. Komz o fe a liz de mar eman ba gwen gamm deus nis prefeti, ka matrez an vozer de nis prefeti. Goudre de boe Napoléon Bonaparte, Napoléon Bonaparte, oa mes din Franz, hag boe o houls, ve o nis prefeti, ba pep departement zo prefeti, a din dan zo nis prefeti. Hag ba pen a nis prefeti zo nis prefet, a sous-prefet o chan la reine oyen. Bon, hag ma trezen ne vo ketin is prefet bet ba gwen gamm. Pez vefe bet glahar us vit pen o bras, peut dur nis prefet zo un tan ve le mest war a merio evro me peus oan Pivegwell de Onemvon, quand Meriou Evro, Arvingtoun, Ndrodan, Castorstad, Denis Préfet, David, Vefebe, Dred, Ondrob, Neket, Babarus, Zizo, Fentusoir, de Veledam. Onis Préfet, Wabit, à Guéouandé, Neves, en Aniwa, en Laratine, Bénéfine, Nis Préfet, Gervijek, de Galzedra, mais non que de l'art, puis ça rend Wahis. Mais de bon quel de vos pissamots de vos comptes m'avait collé de Nice préfète bah Gwengam fait je nomme ce contendard de histoire vro à bon calze dudes au didène de grande histoire vro péduire n'une que clève comme de zébascol à c'est une roi de zis qui ont dramnecket diwar ben histoire vro à gne vaisseau de squares ou en de sploisal Alain Chanel, Iran, Anders Gred, Oliver, War Histoire of Rome, parce que Gwen le Lever was, mais Han Vede, ils ont eu des chapeaux ronds. Bon, Végel, moi, comme je tarde déjà de Jean Kergris, donc de Had Combs de C, PV Combs de Barus Penneket, Galak, bopet ve klaske de reine au nom de tu de vro, tu de barous d'ascoer, bah, rostren et rostrenois, bah, gwen comme il guingampé, bah, carrés et carrésiens, bonne braison de kaidermat ve l'art tu de zonigoudine, tu de purute. Vejo ve lak is, d'ascoer très margadis, hein. Très margadis à Christenion, m'enne les canons blowen, zéwa ba cantique, il trône varia très margad. Bon, mais de, urbar ou zo, ne ce que de hound bit, un dune n'que hound bit, un homo d'officier, les bokeo, puis bosca, brezonek. Ah, c'est tu mon classe que, or nang beneket, hein, ma treize n'vaut gré de, Or, vota de visé, hein, de zibab, zotre, boquetien, boscasien, bon, bocasien, gocavien, ouan, que pète vos dibab, hein, quand, tu de, boco velan, par exemple, hein. Ma treize, un tas de brosco, hein, mais n'est que, sco, suro, une galag, mais n'est que zur, hein. Bon, quoi, elle te vaut pèse ça. Et ça rend le vœu d'Ibob ganté. Végenant, vous aurez content d'art de ce gouren, aux zones tombes de ce glade orvro, à les vaisseaux, au bédo, au nemgav, vide de gourenérien orvro, bah, Brest, à gorplar de ce yowang de ce qui en grise moellou, ne se tape de, mode vide brou Europa, hein. Ma sainte peut se bécler, vite, c'est Morgan Philippe et Iran, hein. Ag bonne chance va te yo aranense. Calze dud zo bene vaisseau ba course au tiez ek ba rostren, ou ar dro pe mille dud, hein. Ag blanman ou a begret la bourie ou ar an hippodrome, hein, velvelard, un preson de gen mat, ag gal, mam goz la redise, derek d'or an tron hippodrome, bon, ag bon, de houl se vi, Puis, on y a eu envie, j'ai comme de ce course au quatrain. À Benebla, vos grèdes, vos lides, quand à Hunter, quand des ablats, course au Rostrain. À Gansizo, Pelzo, Boué. Bon. Ne ce que quoi le Belzo, Zobide, concours en aérien, la rue, on y a. À Gemout, souhaite quand Daniel Philippe à Gwendalbertou. Velkis a costume. Ag bonne chance sorte de Gardner Mode ba Gourine. Ag un DL wa lead ba Melcarez un inor de Glenmore or Gizeladen hein. Gezo Begret grand fan Fange Venner. Ag vide pudur Glenmore zo mar Hugen Lasso. Noak de Roas, Pempla à Trugna. Ou arboué sur Zun, IGB de Pempla à Trugna, la et Mario en bénéfine. Aïe, ce bon, végénant, vous avez clé de, Oas war RKB, Tonio de Glenbor, ma trezen ve febet, mal halak an mur, bon, hag mi me plicha dur der mat kled Tonio de Glenbor, hag nevezo zo belid dive un degla mir di ur manerio ou ba, ba bodilio, ba par ouz bulad, joan je peus oan bet, hein, ovech, ovor nabad, hein. Hag bon krouet e bet gant Michel Morel, hag az eve gwell kalz draou, avec gret kalz draou, dal ar abouan mont te velet. Bon, setu un tamm de spes de neve evro, hag ben vegel volar a oas. Keno eri. Ya, ken avo morgan.